Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Yougoslavie, la guerre au cœur de l'Europe. Une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Somanina. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'il y a 30 ans commençait le siège de Sarajevo qui a marqué les mémoires et que c'est le moment où les guerres de Yougoslavie se sont emballées pour une dizaine d'années avant que les accords de Dayton ne mettent en place une situation qui pèse encore dangereusement. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, la Serbie, l'opposition au nationalisme qu'on a oublié, l'amertume, la haine, la purification ethnique et un homme qui rit encore de l'interprétation française du conflit yougoslave. Mais pour commencer dernier épisode, on visite un monument de Belgrade. Nous sommes devant l'état-major qui a été bombardé par l'OTAN en 99. Ce sont des bombardements qui ont duré 78 jours. Et on est en plein centre-ville, en face du siège du gouvernement. C'est une bâtisse scindée en deux. Et entre les deux parties de la bâtisse, en briques, donc c'est du cubisme, il y a la rue Neemanjina. Et aujourd'hui, on l'a laissée comme ça, éventrée, bombardée avec des herbes folles. Il y a même des arbres qui ont commencé à pousser dans les ruines, en cachant juste la misère avec un panneau qui montre des généraux membres de l'état-major. Alors on l'a laissé comme ça, d'abord pour des raisons politiques, pour que, d'une certaine façon, on ne pardonne pas à l'OTAN et à l'Occident d'avoir bombardé la Serbie en 99. Et en 2011, avec l'arrivée de la nouvelle majorité, ils ont décidé de tout détruire. Et puis il y a une pétition quand même des architectes et notamment de l'Académie des sciences qui s'y est fermement opposée parce que l'architecte en question est Nikola Dobrović est quelqu'un de très célèbre et dont c'est l'unique œuvre cubiste qui subsiste en Serbie. Et depuis on s'est arrêté là et c'est finalement assez symbolique parce que ça illustre d'une certaine manière très exactement on est le pays qui n'arrive pas finalement à tourner la page de ces bombardements et de ces années 90. Bon, pouvez-vous me réexpliquer quel est le problème exactement ? C'est ainsi que durant toutes les années de la guerre, le président Bush débutera ses entretiens sur la Yougoslavie avec son conseiller national à la sécurité. Il faut dire que depuis la déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie en 91, les conflits en Yougoslavie s'enchaînent les uns après les autres, de plus en plus violents, de plus en plus meurtriers. Slovénie, Croatie, Bosnie, et pour finir, le conflit du Kosovo au cours duquel l'OTAN se décidera à frapper pour la première fois la capitale de la Serbie, Belgrade, bombardée en 99. À cela s'ajoute l'incroyable complexité de ce conflit mouvant, imprévisible, où les Croates, tout d'abord attaqués par les Serbes, se retournent ensuite contre les Bosniaques, et où l'opinion publique mondiale assiste, médusée, aux images de bombardements et d'épurations ethniques. Face à cette explosion de violence au cœur de l'Europe, la communauté internationale est longtemps restée impuissante. L'ONU envoie bien des milliers de casques bleus dès le premier été du conflit, mais cela ne suffit évidemment pas. Comment maintenir la paix dans un pays en guerre? Tandis que les États-Unis rechignent à intervenir, l'Europe est divisée. Yougoslavie, la guerre au cœur de l'Europe. Les accords de Dayton, 25 ans après. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et Somanina. C'était une période où, à Paris, c'était assez pénible pour moi. Vassili Silovic, réalisateur. Parce que les Français me disaient En gros, ah oui, tu es croate, on sait bien comment c'était pendant la guerre, la Croatie. C'est à peine si on me disait pas, t'es donc un oustachi. Il y avait ce cliché qui était très fortement ancré. Aujourd'hui, en France, on nie ça complètement et on a oublié que c'était comme ça. Et il y a eu peut-être même un revirement qui a après été exagérément anti-serbe. Mais au début de la guerre, je peux vous assurer, en tout cas moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Il y avait donc toute cette tradition plutôt pro-serbe qui ressortait. Il y avait toute la tradition anti-allemande qui restait à l'époque assez ouvertement dite. Les Allemands, ils défendent leurs propres intérêts en Yougoslavie, qu'est-ce que c'est que ça? Et on le vivait en tant que croate comme une énorme injustice, en fait. En France, le conflit jusqu'à l'été 91 et même en même presque jusqu'à 1992, jusqu'au début de la guerre en Bosnie. Maya Kandel, historienne. La vision dominante, c'est que on a une montée des nationalismes, une fragmentation, et que donc c'est un affrontement des nationalismes et tous les torts sont partagés en quelque sorte. Et en plus, en France, ce qui est assez important quand même, c'est qu'à l'époque, c'est François Mitterrand qui est président, avec une grosse conscience historique de l'amitié franco-serbe, etc. Et même jusqu'à l'été 92, où pourtant on commence à vraiment comprendre qu'on n'est pas dans une guerre civile, mais plutôt dans une guerre planifiée avec un nettoyage ethnique des territoires qui va avec, menée par une armée qui se présente encore comme yougoslave, mais qui en réalité a été purgé par Milosevic et donc est déjà une armée serbe, au moment des bombardements sur la Croatie. Donc en France, vraiment une lecture où les torts sont partagés et une couverture médiatique qui est un peu comme ça jusqu'à l'été 91. Alors que aux États-Unis, la plupart des Américains jusqu'au sommet de l'État n'y comprennent rien. Les Croates, il y a une très forte diaspora et Tudjman s'appuie sur la diaspora qui peut voter pour asseoir son pouvoir. Il n'y a pas de représentation diplomatique, évidemment, par exemple à Washington ou ailleurs. En revanche, la première chose que Tudjman va faire, par exemple, c'est ouvrir un bureau de presse à Washington pour essayer de faire évoluer la lecture du conflit. Et donc, par exemple, les Croates à Washington vont organiser à la fois un bureau de presse à Washington pour relayer leur vision, qui est qu'ils ont été attaqués par Milosevic, qui a un plan pour reprendre une certaine partie des territoires de la République de Croatie qui sont peuplés de Serbes. Il va aussi organiser à Zagreb des fixeurs, des gens qui puissent emmener les journalistes étrangers pour qu'ils voient la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et puis un aspect important donc dans cette première partie de la guerre, de l'influence des Croates à Washington, assez rapidement ils vont mobiliser la diaspora pour rencontrer un sénateur républicain important qui va les emmener à la Maison Blanche. Donc là on essaye de peser directement sur Bush. En fait, au départ, la lecture serbe est quand même assez influente et les Serbes transposent en fait ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale à ce qui se passe à la fin des années 80. Évidemment, ça n'a rien à voir. Mais du coup, les Croates, par exemple, ont un handicap de taille, c'est que ils sont associés aux nazis et donc ils ont ce problème d'antisémitisme qui est évidemment très problématique aux États-Unis. Et donc un de leurs premiers efforts, c'est aussi d'aller voir l'Anti-Defamation League, qui est une ONG alors qui combat toutes les formes de discrimination, mais qui est en particulier quand même associée à la lutte contre l'antisémitisme, et donc ils vont s'adjoindre ces forces. Et puis on a des images qui sont très très frappantes pour l'opinion américaine. On voit les premières études d'opinion américaine qui montrent justement qu'il y a une conscience, en tout cas, de ce conflit en cours, avec clairement un choc de voir ces images en Europe, donc des colonnes, des dizaines de milliers de réfugiés européens. Pas de miracle en Yougoslavie. À peine entré en vigueur sur le coup de midi, le cessez-le-feu a été violé dans plusieurs régions de Croatie. Encore des combats entre l'armée fédérale et les unités croates. Encore une alerte aérienne à Zagreb. Encore des tireurs isolés. Et en plus, une bataille rangée dans le port de Split. Aux États-Unis, à l'automne 91, Là, le cadrage est très clair. Les Serbes attaquent des Croates, les Serbes bombardent Dubrovnik, la perle de l'Adriatique qui avait été préservée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est la détruite. Et là, la fin 91, toutes les lectures se séparent en fait. C'est très frappant, c'est-à-dire que les États-Unis évoluent très rapidement sur les coupables, les méchants, c'est les Serbes. En Europe, en fait, on a aussi une évolution, et là, on voit se séparer un peu les analyses entre, d'un côté, l'Europe centrale et les Français, les Britanniques, qui sont encore un peu sur cette lecture partagée. Et puis, pendant l'été 91, cette impression que vraiment il y a des combats des deux côtés, les torts sont partagés entre Serbes et Croates. Et c'est là que la communauté internationale, en fait, commence à s'impliquer, puisque en septembre 91, on a l'ONU qui vote un embargo sur les armes. Et à la fin de l'année, l'ONU envoie une force d'interposition qui va finalement figer les gains serbes. Donc Milosevic est absolument ravi de cette force. Et ensuite, l'Allemagne, et suivie rapidement par les États-Unis, vont reconnaître les indépendances, et en particulier l'indépendance de la Bosnie. Et là, on a un vrai décalage avec la France, qui pense que c'est dangereux à l'époque, et que ça va, au contraire, provoquer la guerre civile qui vient. Il y a une ambiguïté sur laquelle Milosevic va jouer assez longtemps. Xavier Bougarel, historien. En se posant à la fois comme le représentant des griefs serbes au sein de la Fédération yougoslave et d'un autre côté comme le sauveur potentiel de la Fédération yougoslave. Il va jouer très longtemps sur cette ambiguïté. Une ambiguïté qu'on retrouve dans le comportement de l'armée yougoslave elle-même. C'était l'armée yougoslave va assez longtemps, disons jusqu'en 1992, jusqu'au début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, l'armée yougoslave va se présenter à la fois comme la garante de la préservation de la Fédération yougoslave et aussi comme l'arme potentielle des nationalistes serbes. C'est-à-dire vous avez une ambiguïté qui est maintenue le plus longtemps possible par ces acteurs politiques-là, Milosevic d'un côté, l'armée yougoslave de l'autre. Et c'est une ambiguïté qui reste dans la population serbe du début des années 90. C'est-à-dire à la fois tout un discours sur comment les Serbes sont victimes des autres républiques et des autres nations de la Fédération yougoslave, mais aussi un profond attachement à la Fédération yougoslave. Et une inconscience complète du fait que Milosevic n'est pas en train de sauver la Fédération yougoslave, mais est en train de la détruire. Et vous avez un aveuglement d'une grande majorité de la population serbe à ce moment-là sur ce point. Quand l'armée yougoslave a commencé à mobiliser en Serbie, c'est-à-dire à l'automne 1991, vous avez à peu près 50% des réservistes qui n'ont pas répondu à l'appel. Donc vous avez un taux de désertion extrêmement important qui atteint les 80-85% à Belgrade. Donc l'enthousiasme de guerre n'est pas majoritaire. Parmi ceux qui sont mobilisés dans l'armée yougoslave et qui répondent à l'appel de mobilisation, vous avez des milliers de combattants qui, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines de combat en Croatie, vont rentrer de leur propre initiative en Serbie et vont manifester devant les mairies de leurs villes respectives pour être démobilisés et vont dénoncer cette guerre comme n'étant pas la guerre dont on leur avait parlé. C'est un mouvement, non pas antinationaliste, mais au moins anti-guerre, qui est complètement passé inaperçu pour qui n'était pas en Serbie à l'époque. C'est-à-dire on a imaginé un espèce d'unanimisme guerrier en Serbie qui n'était pas là. Alors nous sommes devant la statue de Milojevića Orlović, qui est située devant l'entrée du siège de la radio-télévision serbe. Milica Ćubrilo, journaliste, Belgrade. Son surnom, c'est la Bastille. C'est un surnom qu'on lui a donné dès 91, dès les premières manifestations contre le régime de Milosevic. Et dès 91, les protestations ont commencé devant le siège de la RTS pour demander des informations plus équilibrées. C'est de là donc été diffusés les discours nationalistes de Milosevic, donc à partir de la fin des années 80, des discours qui ont eu un rôle donc fondamental dans le déclenchement de cette guerre. Oui, c'était vraiment la voix de son maître. Et il faut se rappeler que dans les années 90, il n'y avait pas d'Internet. Il fallait vraiment chercher à avoir une information différente pour ne pas subir cette propagande de guerre de Milosevic, qui disait ouvertement que la Serbie n'était pas en guerre. Je ne me souviens plus de mots exacts, mais je me souviens de discours dans lesquels on expliquait à la population que la Croatie avait attaqué la Serbie. On expliquait à la population que les Albanais torturaient, violaient des femmes serbes, enfonçaient des bouteilles cassées dans les organes de leurs voisins. C'était un discours de haine le plus basique qui soit et prononcé sur un ton... tout à fait calme. Milena Cecic, universitaire. Il y avait 3 mois, à 92, de grève des étudiants de Belgrade contre la guerre, qu'il n'y avait aucun mot là-dessus dans notre presse. C'est normal, c'était sous contrôle de Milosevic. Mais qu'il n'y avait aucun mot sur cette grève dans la presse à l'étranger, pour moi, c'est pas normal. Et j'ai demandé quand on a été au Parlement, il y avait énormément de journalistes suisses, etc. Et j'ai dit, mais pourquoi vous n'écrivez jamais sur le mouvement de paix qui existe en Serbie et qui est sous tant de pression et c'est vraiment difficile, etc., de se tenir? Et la réponse était très claire et très simple. On ne peut pas faire la confusion dans notre opinion publique. Il faut donner un message clair qui est côté mauvais et qui est côté juste. Sentez-vous un décalage entre le récit français de la guerre et vous, la manière dont vous avez pu le lire ? Il n'y a pas une interprétation française, surtout au début de la guerre. Jovo Bakic, sociologue. Mitterrand et les communistes français avaient une interprétation. Alors que les libéraux en avaient une autre, les républicains une troisième, l'extrême droite encore une quatrième. Pour commencer par les derniers, l'extrême droite, ils ont envoyé leurs volontaires aux unités croates qui étaient de tradition oustachi. Puis, pendant les bombardements de l'OTAN sur la Serbie, la Serbie est devenue pour eux le mur protecteur de l'Europe chrétienne. Les communistes avaient au début de la sympathie pour le régime de Milosevic. Mitterrand, il me semble, avait de fortes sympathies pour les Serbes en tant qu'anciens alliés durant les deux guerres mondiales. Les républicains, de leur côté, ont été les premiers à accepter la vision américaine. Ce sont des interprétations toutes françaises, mais différentes. Il me semble que l'opinion publique française avait au début des positions très équilibrées. Mais tout a changé avec la guerre en Bosnie-Herzégovine. Bien sûr, je ne veux pas faire l'impasse sur les crimes commis par les unités serbes en Bosnie-Herzégovine. Mais je pense qu'il y a eu quand même un principe de propagande qui a pris le dessus. De manière générale, dans les relations internationales, quand on impose un embargo, tout est permis contre ce pays. Je l'ai vécu. Et c'est pour ça que je me permets d'être contre les embargos, aussi bien contre l'Iran ou la Corée du Nord. Cette propagande, vous la voyez de la part des médias, de la part des intellectuels français ? Da. Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, Pascal Bruckner, Finkel Croate. Aucun accord de cessez-le-feu à Sarajevo. Cyrus Vance et Lord Owen, les deux médiateurs de l'ONU et de la CE, vont poursuivre leurs efforts. Ils doivent rencontrer des dirigeants serbes et du Monténégro, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se réunir très vite pour décider d'envoyer des casques bleus supplémentaires en Bosnie-Herzégovine. Dans une recommandation, le secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, préconisait hier soir de passer de 1 500 à 6 000, voire 7 500 hommes. Fin 92, les Serbes ont gagné la guerre sur quasiment tout le territoire, c'est-à-dire dans les campagnes. Il y a plus d'un million de réfugiés dans les pays voisins, donc le nettoyage ethnique a été mis en œuvre. Et il reste ces enclaves urbaines qui sont les futures zones de sécurité de l'ONU. En fait, la carte de cette guerre sur le terrain est vraiment importante pour comprendre aussi l'implication internationale. Et en mai 93, Clinton envoie son secrétaire d'État Warren Christopher en Europe pour proposer une solution. Donc sa solution, c'est on lève l'embargo, on livre des armes aux protagonistes qu'on veut aider, donc en l'occurrence les Bosniaques. Et ce plan s'appelle Lift and Strike. Donc lift, c'est lever l'embargo, et strike, c'est on frappe les positions serbes qui encerclent les villes qui assiègent Sarajevo, mais aussi Gorazde, Srebrenica, etc. Et ils proposent ça aux Européens. Le problème, c'est que les Européens, et notamment les Français et les Britanniques, à ce moment-là, ont des dizaines de milliers de soldats sur le terrain et donc ne veulent pas. Puisque, d'une part, ça serait risqué de faire des bombardements parce que c'est jamais précis non plus à ce point, comme on sait. Et puis, d'autre part, les Serbes disent bien, voilà, jusqu'à présent, vous êtes une force d'assistance ou une force d'interposition. Mais si vous livrez des armes à nos ennemis et que vous nous frappez, vous devenez un ennemi. L'ONU est là, mais il n'a rien fait. Boba Lizdek, à Sarajevo. Le statut des forces était d'être neutre. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être neutre ? Donc garder la paix, ils n'étaient pas capables de la garder parce que les gens étaient en guerre. Ils se sont battus, il y avait des morts tous les jours, donc la paix n'existait pas. J'ai travaillé avec l'armée française qui a fait beaucoup de choses qui étaient bien, même si les gens disent des choses assez négatives, mais je peux vous dire que l'armée française a essayé vraiment de faire le maximum, d'aider tout le monde, et des fois ils ont dépassé cette position de neutralité, et puis des fois c'était mal vu, mais vous êtes obligé de le faire, parce que sinon vous êtes le cible. Des fois, on disait que l'ONU est là pour continuer l'impossible, en fait. Que l'ONU fait max pour que la guerre continue. Mais de l'autre côté, j'ai compris que l'ONU ne pouvait rien faire, parce que c'était une décision provisoire que, si vous voulez, la communauté internationale a fait pour se débarrasser d'une responsabilité, pour dire voilà, on est là, mais on peut rien faire. Mais au fond, ils ont rien fait. Le point humanitaire, oui, ça va, ça fonctionnait. On était, la plupart des gens dépendaient de ce point humanitaire qui était correct, mais les gens en général recevaient ni la moitié de l'aide qui arrivait, parce que la moitié de l'aide finissait sur le marché noir. Donc qui pouvait contrôler ça? Personne, l'ONU surtout pas. Ils ne pouvaient pas aider les gens parce qu'ils étaient obligés d'être neutres. Il y a quelques personnes, ils ont fait des évacuations médiévaques, comme on les appelait. Oui, ça s'est fait, mais c'était rien de spectaculaire. Et puis c'était un lavage des cerveaux de l'époque. J'aime pas généraliser la chose, mais en général, les gens de Bosnie sont assez naïfs. Et les gens pensent que l'ONU est un ami. Et l'ONU était tout sauf un ami. L'ONU était plutôt des béquilles pour quelqu'un qui était blessé et pour donner un peu de stabilité, mais pas plus, pas plus. Mais en même temps, je comprends que l'ONU ne peut rien faire. Et c'était connu depuis le début. Donc l'ONU n'est pas venue pour faire quelque chose ici. L'ONU est venue ici pour garder le status quo jusqu'au moment de décider qu'est-ce qu'on va faire avec la Bosnie. Et cette décision est venue avec les Américains. Donc, surtout pas avec l'Union européenne et avec les forces européennes. Les Serbes de Bosnie ont jusqu'au 21 février, 1h du matin, pour éloigner de 20 km les pièces d'artillerie lourdes qui prennent régulièrement pour cible les civils de Sarajevo. D'ici cette date butoir du 21 février, quiconque bombardera la ville en supportera les conséquences. C'est Bill Clinton hier soir qui l'a fait savoir, juste après l'ultimatum lancé par les 16 pays de l'Alliance Atlantique. Il faut comprendre qu'avant même l'échéance du délai fixé par l'OTAN, les avions occidentaux pourront frapper les batteries serbes si elles ne se taisent pas. Personne ne doit douter de la détermination de l'OTAN, souligne encore le président américain à l'adresse des plus sceptiques. Il y a en effet de quoi être perplexe. Le retrait des armes lourdes autour de Sarajevo a déjà été prévu dans deux plans de paix. Les Serbes n'ont pas respecté leurs engagements. La communauté internationale n'a rien fait pour autant. Quentin Dickinson. Cette fois-ci, l'avertissement est précis et substantiel. Les 16 pays de l'OTAN, au moins la Grèce, qui a choisi de se désolidariser, ont donc décidé que toutes les armes lourdes, chars, mortiers, lance-roquettes et armes anti-aériennes, devront être retirées d'une zone d'un rayon de 20 km autour du centre de Sarajevo, ou alors regroupées et placées sous le contrôle de la force prônue. Si ces conditions devaient ne pas être remplies pour le 21 février prochain à 1h du matin, heure de Paris, alors ces positions, leurs lignes de communication et leurs points d'appui seraient exposés à des frappes aériennes conduites par les escadrilles du commandement allié du sud de l'Europe. La force prônue est envoyée alors que les combats font rage et donc en fait ça devient une faiblesse. Et effectivement, quand l'OTAN fait son premier ultimatum après le massacre du marché, hein, ça aussi c'est des épisodes importants, le massacre du marché de Sarajevo en février 94, donc où les Serbes bombardent et il y a 68 morts, des images qui font le tour du monde, etc. Eh bien, c'est ça qui va pousser à l'implication de l'OTAN. Et l'OTAN qui, deux mois plus tard, fait feu pour la première fois de son histoire, mais de manière totalement dérisoire, parce que, justement, il y a des milliers de soldats français et britanniques en particulier. Et Karadžić, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement cynique, ou alors juste qui fait de la réalpolitik, hein, selon le point de vue, qui donc... à partir de là, dit, bah, vous n'êtes pas une force de paix ou un intervenant neutre puisque vous bombardez nous, donc vous êtes notre ennemi. Et donc, en 95, au moment de la grande offensive à la fois croate, mais aussi serbe, parce que les Serbes veulent terminer le travail et nettoyer les enclaves, parce que finalement, militairement, c'est la seule chose qui fait qu'ils n'ont pas encore fini gagner cette guerre. Et donc, ils vont prendre en otage des casques bleus. Et ça a plusieurs conséquences, parce que bon, d'une part, c'est ça qui provoque vraiment la très forte réaction de Jacques Chirac, qui a été élu à ce moment-là président français en mai 95, et qui va vraiment faire du forcing auprès des Américains, maltraiter, bousculer un peu Clinton, aller avec lui au Congrès, intervenir de manière très grandiloquente avec cette affaire de leader absent, etc., alors que c'est vraiment la faiblesse de Clinton. Parce que quand ils ont fait les enclaves de sécurité, là aussi, la France joue un rôle avec le général Morillon qui dit « vous êtes sous la protection des Nations Unies », etc. Donc l'ONU a voté ces zones de sécurité qui doivent être protégées par des forces de l'ONU, mais les pays de l'ONU vont jamais fournir assez d'hommes pour réellement protéger ces enclaves. Et donc quand, en juillet 95, les forces serbes arrivent bien décidées à évacuer les femmes, les enfants, les vieillards et à massacrer les hommes valides, eh ben les soldats hollandais se replient sur leur baraquement et laissent faire. L'Occident riposte en Bosnie. Déjà 5 raids aériens de l'OTAN contre les positions serbes de Bosnie. Batterie de missiles, dépôts de munitions, installations radars. Une opération militaire sans précédent, appuyée au sol par l'artillerie française et britannique de la force de réaction rapide. Des victimes du côté occidental. 5 observateurs européens, leur interprète et leur chauffeur tués la nuit dernière à Sarajevo. Un Mirage français abattu cet après-midi par un missile serbe au-dessus de Palais, capitale des Serbes de Bosnie. On ignore pour l'instant le sort des 2 membres d'équipage du Mirage 2000. civils français. Pourquoi il aura fallu si longtemps avant que les États-Unis décident d'intervenir alors que dès 92 on parle de génocide et dès ce moment-là donc la population américaine est tout à fait alertée sur ce qui se passe. Bon alors évidemment il y a d'abord le massacre de Srebrenica. Il y a la visite du président français à Washington qui dit la place de leader du monde libre est vacant. Et à ce moment-là, la voix de la France porte peut-être un peu plus. Et surtout, les Français sont ceux qui ont le plus de soldats dans la Fort-Pronu. Chirac dit qu'il va retirer la Fort-Pronu. C'est le moment où les combats ont repris de manière très violente, en particulier contre les zones de sécurité. Clinton est en difficulté face à un congrès républicain. Et donc là, il faut, on a vraiment un tournant en quelques mois où les États-Unis se ressaisissent et décident effectivement de prendre les choses en main. Il y a vraiment un constat aux États-Unis que les Européens sont trop divisés et qu'il faut une impulsion, un leadership américain pour mettre fin à ce conflit. Fin août et surtout en septembre, quand l'offensive des forces croato-musulmanes, croato-bosniaques se précise et commence à gagner vraiment du terrain, eh ben, l'OTAN vient jouer le rôle de force aérienne. À partir de juillet, Clinton donne instruction à son conseiller à la sécurité nationale, donc à la Maison Blanche, qui est vraiment un organe très important dans la conduite de la politique étrangère américaine, donc Tony Lake, de mettre au point une stratégie de fin de partie. On veut arriver à une situation sur le terrain à peu près stable, donc quelque chose où on a une certaine continuité territoriale, ça va être compliqué, mais en tout cas, les Bosniaques gardent quelque chose qui ressemble à un pays. On stabilise les rapports avec les voisins. Et puis, surtout, en fait, à ce moment-là, on est dans une relative brouille entre Milosevic et Karadžić. Et un des coups de Holbrooke, c'est de dire le négociateur serbe, c'est Milosevic. Il écarte, en fait, les Serbes de Bosnie de la négociation. Et pareil, c'est Tudjman qui négocie pour les Croates. Donc, tout ça est très préparé en amont par les Américains. Et le lien avec les Européens est fait à travers notamment la personne d'un diplomate allemand, puisque à ce stade, en fait, les Américains, ils avaient bien compris que quand ils essayaient de discuter avec les Européens, de toute façon, il se passait rien, que ça faisait 3 ans que c'était le cas. Et donc, sa formule était que Dayton, c'était un processus américain, piloté par les Américains aux États-Unis, mais que les Américains, bon, c'était quand même en Europe, ils avaient besoin des Européens sur d'autres sujets. Et en particulier, en fait, il y a à ce moment-là aussi les discussions sur la reconstruction de la Bosnie. Donc, ils avaient besoin des Européens pour payer. C'est la paix, c'est signé, mais ce matin, elle s'est conclue sobrement, sans effusion, dans la salle des fêtes de l'Élysée. Et après quelques secondes d'hésitation, c'est le croate Tudjman, le premier, qui va à la rencontre de son ennemi d'hier, le Serbe Milosevic, puis c'est au tour du bosniaque Izetbegovic de serrer la main du président yougoslave. Il leur faut désormais dépasser 4 ans d'une guerre sans merci, et ce ne sera pas le plus facile. Tant cette paix et ces gestes de réconciliation apparaissent fragiles. Le rétablissement durable de la paix incombera d'abord aux États et aux communautés de la région. Et j'appelle les responsables à tourner définitivement la page de la guerre et de la haine. Je les invite à écrire ensemble, en hommes d'État et en hommes de paix, le chapitre de la réconciliation. Le 14 décembre 1995, les accords de Dayton sont signés à Paris, maigre concession faite par les Américains puisque les négociations, elles, ont eu lieu des semaines durant sur la base militaire près de Dayton aux États-Unis. Des accords imparfaits mais qui ont le mérite de mettre un terme à la guerre. Pourtant, 25 ans plus tard, ce sont les conséquences de ces accords qui font craindre la reprise d'un conflit dans la région. Ces accords de Dayton, faits, Jean Asfeld, journaliste, décidés principalement par les Américains pour que les armes se taisent, c'est-à-dire plus un coup de fusil dans ce pays, plus un obus, plus un mort, avait des conséquences terribles sur le fait qu'on allait, pour les faire accepter par Tudjman, par Milosevic, par Izetbegovic, c'est-à-dire par deux nationalistes et demi, parce que Izetbegovic, je mets un peu à part quand même, mais pour les faire accepter, c'est quand même Milosevic qui signe, hein, c'est pas... Il a des concessions terribles qui vont faire qu'on va créer un système de pouvoir ubuesque, littéralement ubuesque, c'est-à-dire tripartite, où tout organe de pouvoir sera partagé ou relayé à tour de rôle par les trois partis. Donc ça concerne à la fois le président de la République, le Premier ministre, tous les ministres, les ambassadeurs, tous les grands directeurs de grands offices, les grands hôpitaux et tout ça. Et ça va même jusqu'au président de la Fédération de football. Et alors ça, c'est un Serbe a le pouvoir 6 mois, il est remplacé par un Croate pendant 6 mois, remplacé par un Bosnien 6 mois, et le Serbe revient, etc. Ce système n'est pas vivable. Il n'est pas vivable, il est coûteux, et surtout, comme il est exercé par des gens nationalistes, leur préoccupation souvent première va être de démolir ou de contredire ce qui a été fait précédemment. Donc, par exemple, le président de la Fédération Foot dit « Voilà, les matchs d'élimination pour le Mondial, ça va être le mardi 22 et le match retour le mardi 28. » Le président suivant, il va dire « Non, ça va être le 23 et ça va être le 29. » Donc, vous voyez, c'est comme ça. Ça rime à rien d'autre que ça. Donc, il y a d'abord ce soulagement de l'arrêt des combats. Après, Dayton a été contesté immédiatement. Aline Cateux, à Sarajevo. Au premier rang des contestataires, les femmes de Srebrenica. Très très tôt, dans ce combat anti-Dayton, ça on a un peu tendance à l'oublier, elles sont vraiment pionnières dans la contestation, puisque Srebrenica se retrouve en République serbe, et que du coup elles sont devenues une minorité dans cette République serbe, où elles n'ont aucun droit, où il est très difficile d'exhumer les charniers, etc., etc., et où elles refusent en fait la partition du pays, et surtout d'appartenir à cette entité qu'elles qualifient de génocidaire. Et puisque effectivement le territoire de la République serbe s'est acquis au coût du génocide et de l'épuration ethnique. Donc c'est les premières très très tôt à contester les accords de Dayton qui, selon elles, récompensent clairement l'épuration ethnique. Dayton, vous savez, c'est l'un des pires accords de paix de toute l'histoire des accords de paix. Hein. Rémi Ourdan, journaliste. Sur le fait d'entériner la séparation des populations, la purification ethnique, d'entériner les objectifs de guerre. Mais c'est le premier accord de paix qui a mis en place le début d'une justice internationale. Voilà. Ça n'existait pas avant. Donc ça a été une surprise à Dayton, parce que vu que ça a été signé par les chefs de guerre, on pouvait imaginer une éventuelle amnistie. Voilà. Donc Dayton a consacré le début de la naissance de la justice internationale. Mais à part ça, c'est un accord de paix qui, bien sûr, a entériné la situation voulue par les belligérants. Certains pensent que c'est un accord de paix qui est éventuellement porteur de nouvelles guerres, ce qui est une question intéressante. Quand on signe un accord de paix aussi cynique et aussi fragile, est-ce qu'il garantit la paix ou est-ce qu'il porte les germes d'une nouvelle guerre? C'est une bonne question. En tout cas, tant que la Bosnie est gouvernée selon les règles de Dayton, c'est un pays ingouvernable. Effectivement, divisé, avec des lois assez hallucinantes, on marche sur la tête assez souvent. Il y a un haut représentant international, mais enfin qui au fil des années a de moins en moins de pouvoir, ou en tout cas l'exerce de moins en moins. Donc la Bosnie est un pays sans constitution, parce qu'elle serait illégale au regard de toutes les normes internationales et européennes. Donc Dayton fait office de constitution, c'est d'accord avec des aspects illégaux aussi, c'est-à-dire que par exemple ne peuvent être élus que les trois peuples constitutifs de Dayton, qui sont les trois nationalistes qui sont battus pendant la guerre, bosniaques, musulmans, serbes et croates. Et, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné le fait qu'un juif ou un rom ne puisse pas être élu président de Bosnie. Bon. Ces accords de Dayton ont créé un monstre institutionnel. Jean-Arnaud Derrins, historien. Une sorte de golem dont les clés ont été données aux oligarchies nationalistes, aux trois partis nationalistes que sont... Alors à l'époque, c'était le Parti démocratique serbe. Aujourd'hui, ça, on a changé de parti du côté serbe. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Le Parti de l'Action démocratique, le Parti nationaliste musulman, et le Parti de la communauté démocratique croate, donc le Parti nationaliste croate. Ces trois partis nationalistes étaient au pouvoir avant la guerre. Ce sont eux qui ont dirigé le pays durant la guerre. Et ce sont eux qui sont au pouvoir depuis la fin de la guerre, donc depuis plus d'un quart de siècle. Ces partis, bien évidemment, n'ont aucun intérêt à ce que la Bosnie-Herzégovine aille mieux. Il faut comprendre les choses de manière extrêmement simple et triviale. La Bosnie-Herzégovine a les institutions les plus compliquées du monde. Vous avez deux entités dans la fédération, 10 cantons, à cela il faut rajouter le gouvernement central, plus le district de Brčko qui ne fait partie d'aucune des deux entités. En tout, ça fait 14 parlements, 14 gouvernements. Donc ça veut dire... Autant, enfin, vous imaginez le nombre de ministres. Le nombre, vous avez 14 ministres de l'éducation, 14 ministres de l'économie. Ça veut dire également des centaines de députés dans tous ces parlements. Mais il n'y a pas que les députés, il y a aussi les secrétaires des députés, il y a aussi les chauffeurs de députés, les chauffeurs des ministres. Donc la politique en Bosnie-Herzégovine, dans ce pays qui compte aujourd'hui moins certainement de 3 millions d'habitants, la politique fait directement vivre plusieurs milliers de personnes. Vous imaginez bien, dans ce pays ruiné qui ne produit à peu près rien, quel fantastique ressort clientéliste offre cette classe politique pléthorique. Parce que tous ces gens-là, tous ces gens qui sont soit députés, soit chauffeurs de députés, soit secrétaires de députés, doivent leur position à leur fidélité à un de ces partis ethno-nationalistes. Donc de ce point de vue-là, Dayton, c'est véritablement une machine infernale parce que on a donné les clés de la machine à ceux qui n'ont aucun intérêt à la réformer. C'est très complexe. Il n'y a pas d'issue. Je vais être gay, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Avec le changement de la politique, oui, mais comment, avec qui? C'est ça, on n'a pas d'alternative. J'ai voté pour l'alternative et ils étaient encore pires que la nationaliste. Donc j'ai donné ma vote pour les gens qui n'étaient pas capables, même de bouger un tout petit peu. Ensuite, la Cour de Strasbourg avait ses décisions d'accepter les autres, les gens qui ne sont pas nationalistes, qui ne sont ni bosniaques, ni croates, ni serbes. Je participe dans le groupe des autres. Ben, on n'est nulle part. Je ne peux pas postuler dans la diplomatie, par exemple, en tant qu'une autre. Je pourrais, parce que d'après ces décisions de la Cour de Strasbourg, hein, mais finalement, ils ne veulent pas accepter ni ratifier en Bosnie. Donc, je ne peux pas être diplomate de carrière, par exemple. Je dois être nommée par les Serbes, en tant que Serbe, de la République serbe. Bah, j'habite dans la Fédération, j'habite à Sarajevo, donc je n'ai rien à voir. Donc, tout ça, ce n'est pas juste. Je refusais, même pendant la guerre, d'appartenir à une quelconque communauté. Rusmir Smajlodzic, journaliste, à Sarajevo. Parce que on a très vite compris que les catholiques sont désormais uniquement croates, que les musulmans sont uniquement bosniaques et les orthodoxes uniquement serbes, et c'était figé et qu'on ne pouvait pas être autre chose. Et je pense que longtemps, et même aujourd'hui, la communauté internationale nous voit uniquement comme ça. Alors que 3% des habitants de la Bosnie refusent d'appartenir à une des trois communautés principales. Mais bon, malheureusement, ils sont les autres. Anna Moslija, vous êtes née après la guerre. Vous vous sentez bosnienne aujourd'hui? Comment vous vous déclarez au niveau des recensements? Yougoslavia est une divine idée en mon glave. Pour moi, la Yougoslavie était une très belle idée, mais ne l'ayant pas connue, il ne me viendrait pas à l'idée de me présenter comme yougoslave. Moi, je m'identifie et je me déclare bosnienne, ce qui chez nous est un problème, puisque quand tu te déclares bosnienne d'un point de vue administratif, tu appartiens à la catégorie légale des autres. Mais justement, en tant que bosnienne qui n'a connu finalement que la Bosnie-Herzégovine, donc après la Yougoslavie, après la guerre, finalement, à quoi ressemble le pays auquel vous vous identifiez? Quelle forme vous lui voyez à la Bosnie-Herzégovine? Eh bien, il faudrait déjà changer la constitution. Et pour ça, mettre fin aux accords de Dayton et écrire une nouvelle constitution. Mais le problème, c'est que faire ça, c'est extrêmement dangereux pour le monde. Mais je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre pour sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Pourquoi ça serait dangereux? Parce qu'il ne faut pas oublier que les accords de Dayton, outre notre constitution, sont aussi des accords de paix. À partir du moment où on mettrait fin à Dayton, je pense qu'il y a des forces en présence ici qui n'hésiteraient pas à s'emparer de la situation pour remettre en question cette paix. Je pense avant tout aux forces ethno-nationales extrémistes qui sont très présentes dans tous les États post-yougoslaves. Parce que chacune des trois communautés, c'est comme des trois tribus et ils font semblant de se disputer. Si vous écoutez ce que dit Dodik, le membre serbe de la présidence, vous pouvez penser que dans un mois, ce pays sera de nouveau en guerre et qu'il éclatera. Donc après la guerre, même si le pays est divisé en deux parties, officiellement après il est divisé en beaucoup d'autres parties, la communauté internationale a quand même réussi à imposer un certain nombre de réformes pour essayer de construire un État central qui ressemble à un État. Donc ils ont fait une armée qui a été acceptée par tout le monde. Ils ont fait un système d'imposition commun. Ils ont fait une police fédérale qui gère surtout le crime organisé et les crimes de guerre. Ils ont fait le renseignement commun. Et aujourd'hui, Dodik dit que dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, il va retirer l'accord de l'entité serbe de toutes ses réformes et que si on osait à le punir, que la Republika Srpska allait devenir indépendante, qu'il allait proclamer l'indépendance. Non, c'est impossible. Et moi, personnellement, je ne supporterai jamais ça. Il ne faut pas oublier que nous, on a eu un génocide dans notre pays, il y a moins de 30 ans. Il y a des femmes, des mères, des sœurs qui n'ont toujours pas retrouvé leurs proches, qui ne les ont toujours pas enterrées. Cet État, la Republika Srpska, est fondé sur le sang et sur les victimes du génocide, et on ne peut pas attendre de ces femmes qu'elles acceptent tranquillement qu'ils décident de quitter la Bosnie. Depuis le début des années 2010, donc depuis un peu plus de 10 ans, c'est l'arrivée au pouvoir de nouvelles formes d'autocratie, alors avec des dirigeants qui ont un profil très particulier, qui sont théoriquement pro-européens, enfin qui se disent pro-européens, en sachant que l'intégration européenne n'est pas du tout ni pour demain, ni pour après-demain, ni même pour le mois prochain. Donc du coup, se dire pro-européen dans ces conditions-là n'a pas beaucoup de conséquences pratiques. Mais en le disant, ils tiennent les éléments de discours que l'on a envie d'entendre à Bruxelles, et donc ils sont tranquilles de ce point de vue-là. Dans le même temps, ces dirigeants mettent en place deux choses, des politiques néolibérales radicales sur le plan économique. C'est le cas en Serbie, c'est le cas en Albanie, avec des pratiques de dumping social, de dumping fiscal. C'est aussi pour ça que les gens partent. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, en Serbie, il y a création d'emplois, mais des emplois à 200 euros. Mais ces politiques néolibérales, elles intéressent beaucoup de gens, elles intéressent les entreprises qui viennent créer des ateliers de main-d'œuvre dans les pays des Balkans, des entreprises qui sont des entreprises françaises, italiennes, allemandes ou des sous-traitants qui travaillent pour des très grandes entreprises ayant tout à fait pignon sur rue. Les Balkans, c'est un réservoir de main-d'œuvre et c'est une périphérie de l'Union européenne qui sert de réservoir de main-d'œuvre soit sur place, soit par déplacement de sa main-d'œuvre qui va travailler ailleurs dans le reste du continent européen. Donc, néolibéralisme d'un côté, et de l'autre, régime de plus en plus autoritaire sur le plan politique, avec un contrôle très strict des médias. Là, il suffit de regarder les classements annuels de Reporters sans frontières. Tous les pays de la région dégringolent dans le classement mondial de la liberté de la presse d'année en année. C'est notamment le cas de la Serbie, mais également des autres pays de la région. Contrôle de la justice et base clientéliste, népotiste des régimes où on se partage les prébendes de l'État, les prébendes du pouvoir dans un cercle de plus en plus restreint, un cercle familial ou de quelques clans familiaux. Il y a un néologisme qui a été forgé par un politologue autrichien Florian Bieber qui parle de stabilocratie, parce que ces régimes garantissent la stabilité des Balkans, qui est l'obsession des Européens. Mais dans le même temps, ces régimes sont des autocraties, donc des stabilocraties. Cette stabilité de façade, les Européens la veulent pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a toujours cette idée, ce fantôme que les Balkans pourraient alimenter une nouvelle guerre. Et puis surtout, parce qu'on a besoin des pays des Balkans pour contrôler la route des exilés qui viennent d'Asie, du Proche-Orient ou d'Asie mineure. Aujourd'hui, tous les pays des Balkans tiennent aussi sur cette rente de situation qui est leur position géographique de zone tampon protégeant les frontières extérieures de l'Union européenne. Du point de vue européen, bon, les Balkans, c'est pas seulement les réfugiés, c'est aussi par exemple la drogue, c'est aussi les armes. Effectivement, les armes que l'on retrouve dans beaucoup d'actions criminelles en France ou ailleurs sont des armes qui ont transité par les Balkans. Donc de ce point de vue-là, on préfère bien connaître les régimes en place, je dirais dans une logique de bonne police, où on préfère connaître le brigand d'à côté plutôt que d'avoir affaire à un nouveau brigand. Moi, je pense que la communauté internationale n'a aucun intérêt à réformer Dayton ou à y mettre fin. Et une des raisons qui me vient à l'esprit, c'est la crise migratoire en cours. Et l'Europe ne veut absolument pas risquer un autre conflit ici, qui ne ferait qu'accroître le nombre de gens qu'elle pourrait jeter sur la route. C'est une raison parmi d'autres, mais finalement, le statu quo arrange tout le monde. Et puis enfin, ici, au niveau local, personne ne veut y toucher non plus, puisque la situation arrange les partis qui sont au pouvoir. Quelque part, je n'ai pas du tout l'impression que cette guerre est terminée. J'ai l'impression qu'elle est juste mise sur pause. Vladimir Pericic, réalisateur, Belgrade. Qu'elle est continuée par d'autres moyens. Parfois, je suis très inquiet que les choses peuvent de nouveau éclater. Quelque part, j'essaie de dire qu'on a un énorme travail encore à faire et de ne pas avoir des formules qui pourraient simplifier les choses. Je pense qu'il y a une immense incompréhension entre les peuples de la Yougoslavie. Après, quand vous savez que ça prenait plus de temps de voyager de Skopje jusqu'à Ljubljana parce qu'il n'y avait pas d'autoroute que d'aller, je crois, de Berlin jusqu'à Lisbonne. Donc c'est aussi une des questions de ces incompréhensions, que les Slovènes avaient une autre idée de quelle est la Yougoslavie qu'ils construisent que les Serbes. Comprenez, après la guerre, et quand il y a un processus notamment comme celui du tribunal international, tout le monde nie. Et donc tout le monde ment. Et tout le monde essaye de cacher les preuves, etc. Mais quand on est reporter au début dans le bureau de M. Karadzic, il se cassait pas du tout, qu'il voulait éliminer... tous les bosniaques musulmans et tous les croates. Ils nous montraient des cartes de tous les territoires qu'ils voulaient conquérir. Tout ça était très ouvert. Et donc, on a assez vite compris les objectifs de guerre de chacun. Donc c'était une guerre à la fois territoriale et communautaire. Donc, on est dans une drôle d'histoire parce qu'en fait, pour certains, on y voyait presque plus clair pendant la guerre qu'après. Alors il y a des guerres où il faut faire des années d'enquête pour comprendre la réalité. Je crois qu'on a assez bien compris la réalité de cette guerre pendant la guerre. Il n'y avait pas de grand mystère, à part quelques zones un peu éloignées, un peu cachées. Et en revanche, avec les années, commence à naître une sorte de brouillard de la guerre, etc. Parce que tout le monde ment. Dans tous les camps, il y a beaucoup de négationnisme, très fort dans tous les mouvements nationalistes, hein, quel que soit le côté. Et aujourd'hui, pour les 25 ans de la guerre, l'an dernier, je suis allé faire une enquête sur le déni, notamment côté serbe. Et il me semblait que... la réalité apparaissait même moins clairement qu'elle n'apparaissait en 95. Et que les jeunes en savaient encore moins que leurs aînés juste après la guerre. C'est-à-dire que pendant la guerre, ils ont été assaillis de propagande. Et ben, malgré tout, à la fin de la guerre, ils savaient à peu près ce qui s'était passé. 20 ans, 25 ans après, les jeunes, ils savent plus du tout ce qui s'est passé. Et ils croient à une autre sorte de propagande, qui est la propagande d'une génération plus tard, de gens qui continuent à défendre les mêmes objectifs. Hein. C'est-à-dire que les forces politiques en présence défendent dans la paix exactement les mêmes objectifs que dans la guerre, c'est-à-dire la séparation des populations, à part quelques forces antinationalistes. Mais ce qui est étonnant, c'est que même à l'heure de l'information globalisée, il y a les médias, mais il n'y a pas que les médias. Il y a votre voisin, il y a les autres citoyens, il y a les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, beaucoup de jeunes de Banja Luka pensent que Sarajevo n'a jamais été assiégé. Alors c'est la politique officielle de la République serbe qui dit Sarajevo n'a jamais été assiégé. Il est interdit de dire dans les manuels scolaires ou dans les médias publics que Sarajevo a été assiégé. Mais ce qui est marrant, enfin marrant, hallucinant, intéressant, c'est que beaucoup de jeunes le croient sincèrement. Alors que franchement, juste après la guerre, ils avaient des récits, ils avaient bien des cousins, des anciens amis, etc. Ils, je veux dire, peu de croyaient à ces mensonges en 95-96. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont persuadés. Le problème, quand vous prenez ce qu'ils ont fait, Tudjman ou Milosevic, et même, je pense, la même chose d'Alexbegovic, ce sont des constructions d'identité. Ils ne nous ont pas proposé une politique, ils nous ont proposé des identités. On vit encore dans leur héritage. Et tant que ces identités, telles qu'elles ont été formulées à la fin des années 80, ne vont pas être défaites, je crois pas qu'il y aura un vrai changement ici. L'identité serbe qu'elle s'est construite dans les années 80, tout en citant l'histoire, est une fiction, comme toute identité est une fiction. Pareil pour l'identité croate. Mais ce sont les récits et les identités dans lesquelles les gens vivent. Donc sur ça, je me sens étranger, exilé. Si la nuit je finis, je revis en Yougoslavie, je passe autant de la vie sans souci. La nuit je refais ma vie ici en Yougoslavie. Qu'importe si le taxi m'emporte de porte à porte jusqu'en Yougoslavie. Je passe autant de la vie sans souci. Je décolle d'alcool, je survole les pays d'eau de vie. Je passe les douanes d'Allemagne. C'était les accords de Dayton, 25 ans plus tard, avec Milica Ciubrilo, Maya Kandel, Xavier Bougarel, Jovo Bakic, Milina Cecic, Boba Lizdek, Jean Asfeld, Aline Cateux, Rémi Audan, Jean-Arnaud Derins, Anna Mouslia, Krusmir Smailodic et Vladimir Peritic. Traduction Aline Cateux et Milica Ciubrilo, avec les voix de Prudence Castello et Samuel Glomé. Prise de son, Frédéric Kérou, Claire Levasseur, Sandrine Malon, Nicolas de Pagraf et Yvan Turc. Mixage, Jean-Louis Deloncle. Merci à Oscar Le Polothèque, Alexandra Kobilski, Lamia Ruzdic-Barbier de l'Association des anciens étudiants des universités croates et Gauthier Morax. Coordination Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran. Un documentaire de Christelle Le Polothèque réalisé par Somanina. Bosnienne, serbe, croate, kosovare et monténégrine, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Belgrade, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons voir comment est née la vie privée. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.